oncle loua une habitation tout près de la sienne. Ah, ce n'était pas les Buissonnais, mais qu'importait l'écrin pourvu que nous possédions la perle fine. Et je la possédais, ma perle fine, et j'étais si heureuse que le séjour d'un cachot m'aurait paru délicieux avec elle. Rien, rien ne m'aurait coûté en sa compagnie et, pour l'entourer d'honneur, j'aurais gagné à la sueur de mon front de quoi le lui procurer si cela eût été nécessaire. Non, ce n'était pas un amour filial ordinaire que j'avais pour mon père, je le crois, c'était un culte. Nous prîmes deux domestiques pour soigner papa. Malheureusement, au début, nous ne pûmes nous procurer le ménage et ce fut la source de grosses difficultés, difficultés de toutes sortes et de toute nature. Puisque je suis sur ce chapitre, je vous en dirai un mot, ma mère. Il est vrai que ces soucis sont très secondaires, mais ils ne laissent pas cependant de taquiner et quelquefois d'empoisonner la vie. En ayant particulièrement souffert, c'est justice d'y accorder une mention dans l'histoire de ma vie. Je pense que le bon Dieu permit pour moi ces épreuves, comme d'ailleurs toutes les autres, pour m'empêcher de m'attacher à la terre. Au Buissonnais, mes préoccupations domestiques avaient commencé dès mon entrée en fonction de maîtresse de maison, qui eut lieu au départ de Marie pour le Carmel, lequel coïncidait avec le mariage de notre aimable et dévouée servante Félicité. Je dois avouer qu'à partir de cette époque, malgré mes prières et la prudence que j'apportais à me renseigner sur le choix de ses remplaçantes, je n'eus pas la main heureuse. Il y aurait un livre à écrire sur ce sujet, qui ne manquerait pas de piquant à cause des multiples péripéties qui m'advinrent en ce domaine. Elle ne devait jamais cesser car, à l'époque de ma vie que je raconte en ce moment, elles firent littéralement fureur. En effet, lorsque nous entreprîmes de soigner papa, d'abord chez mon oncle, puis dans notre nouvelle demeure, rue Labbaye, les difficultés surgirent et l'on reconnut bien vite la nécessité absolue de prendre un ménage dont les services seraient totalement consacrés à notre vénéré malade. Je garde le silence sur les essais infructueux, véritable drame que nous dûmes vivre, pour ne parler que de notre dernier domestique, nommé Désiré. Cet homme dont l'histoire finale me dédommagea de tous mes déboires fut très dévoué pour mon père chéri qui, de son côté, lui témoignait beaucoup d'affection. Gai de caractère, il lui rendait la vie heureuse et savait le distraire, aussi je ne comptais pas avec ses défauts. Sa femme et lui assuraient le service de la maison. Ses défauts, il en comptait à son actif. Bien qu'issu d'une honnête et chrétienne famille, il n'avait pas toujours été sérieux dans sa conduite et se laissait aller comme tant d'autres à la misérable passion de boire. Cependant, on le raisonnait facilement et, comme je l'ai dit, à cause de son dévouement, de sa probité et de son heureux caractère, je fermais les yeux sur tout le reste pour me l'attacher. Il ne faisait point non plus difficulté pour aller à l'église le dimanche. Nous ne demandions à nos domestiques que les pratiques extérieures. Il devait aller à une messe le dimanche, suivre les processions du Saint-Sacrement avec nous, sans que jamais nous nous occupions de leur conscience. Toutefois, je cherchais à les instruire de leurs devoirs envers le bon Dieu, je profitais de toutes les occasions pour arriver à ce but et même j'en faisais naître au besoin. Cette année-là, c'était en 1893, nous approchions de la belle fête de Pâques et je savais que mon domestique ne la ferait pas, ce qui me causait un excessif chagrin. Voyant que je ne gagnais rien auprès de lui, je commençais une neuvaine à Saint-Joseph, qui devait se terminer le 19 mars. J'avais écrit une petite lettre à mon bien-aimé Père du Ciel qui fut placé sous sa statue, et, chaque jour, je faisais de ferventes prières pour obtenir la conversion de mon pécheur. L'un des jours de cette neuvaine, j'étais dans ma chambre tandis que le domestique était occupé à cirer la pièce voisine quand, tout à coup, je le vois entrer précipitamment et se jeter à genoux, sic, à mes pieds. Sa figure était inondée de larmes et il me dit au milieu de ses sanglots, « Je suis un misérable. Depuis tant d'années je suis éloigné du bon Dieu, Je fais des sacrilèges en paraissant accomplir mon devoir pour faire plaisir à ma famille. Mais je veux me convertir, c'est tout à l'heure en regardant le tableau de la Sainte Vierge que mon cœur s'est fondu comme la cire. Oh, mademoiselle, pardonnez-moi, ayez pitié de moi. Ce pauvre homme me fit une vraie confession générale tant était grand son repentir. Quant à moi, j'étais bien ému et le relevant, je lui dis de laisser là son ouvrage et d'aller sans retard confesser à un prêtre ce qu'il m'avait avoué, afin de ne pas laisser passer la grâce du bon Dieu. Il m'obéit à l'instant et partit se confesser. La scène à laquelle je venais d'assister était véritablement touchante et je remerciais Saint Joseph de la grâce extraordinaire qu'il m'avait accordée. Quant au tableau duquel était parti le rayon de repentir, il représentait Sainte Madeleine pleurant ses péchés aux pieds de la Sainte Vierge. Cette peinture était de ma composition, une de mes superbes croûtes, ce qui prouve que le bon Dieu ne se sert pas de préférence des œuvres d'art pour toucher les cœurs mais des œuvres où l'amour a dirigé le pinceau. C'est ce qui était arrivé pour cette toile. Le domestique revint enfin de sa course plus heureux que le plus heureux roi de la terre. Sa figure n'était plus la même, elle respirait la paix, la joie du cœur. Oh, comme c'est bien vrai qu'il n'y a en ce monde que la pureté du cœur qui donne le bonheur. Cet homme était si content après l'humble aveu de ses fautes que, lui aurait-on proposé les richesses et les honneurs en échange de sa paix, certainement il ne l'aurait pas donné. Il faut bien qu'il en soit ainsi, parce que le bon Dieu est juste et il a mis le vrai bonheur à la portée de toutes ses créatures. Oui, toutes, même la plus pauvre qui soit au monde peut posséder le trésor d'une bonne conscience, lequel fait pâlir tous les vils métaux dans lesquels notre stupidité croit trouver l'assouvissement de notre faim immense de bonheur. Faim creusée en nous par l'infini et que l'infini seul peut rassasier. Le lendemain de cette mémorable journée, Monsieur le curé vint me rendre visite pour avoir l'occasion de revoir son pénitent et comme je lui parlais de cette grande grâce de conversion, il m'avoua que c'était l'une des plus consolantes de tout son ministère. Ce bon vieillard paraissait radieux et s'il y avait en ce moment beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui faisait pénitence, dans un petit coin intime de notre immense planète, il y en avait beaucoup aussi dans ce petit coin, où tous les cœurs unis dans une même foi et une même espérance, étaient bien près du ciel. Dans cette période de ma vie qui s'étend depuis ma résidence chez mon oncle jusqu'à mon entrée au Carmel, je vous ai parlé, ma mère, de la place que je faisais à l'étude, mais je ne vous ai rien dit de celle que je donnais à l'assistance des pauvres, comme aussi de cette autre accordée forcément aux exigences mondaines, et aux divertissements innocents, qui sont la conséquence de la position que nous occupions. Je mentionnerai d'abord mon bonheur d'exercer la charité car j'avais un véritable attrait pour m'occuper des malheureux et j'aurais bien désiré qu'il me fût permis de le satisfaire en visitant les pauvres dans leur réduit. Mais ma tante jugeait que ce n'était pas la place d'une jeune fille. J'avais beau lui dire que je n'étais plus une toute jeune fille par l'âge et que mon expérience de la vie suppléait aux années, rien ne put la décider à me donner carte blanche à ce sujet. Alors ma cousine Marie et moi-même nous nous décidâmes à ouvrir à la maison une sorte d'atelier. Nous avions invité plusieurs de nos amis à venir y travailler. Leur concours était requis une fois la semaine. De plus nous avions une tirelire où chacune déposait discrètement ses économies pour cette œuvre. Je ne saurais dire le nombre de petites robes, de jupons, de blouses, de capuchons pour garçons qui sortirent alors de nos mains. Nous travaillions sans relâche après avoir acheté nos marchandises au rabais pour en avoir davantage, rien ne nous déconcertait et pour notre œuvre nous n'avions point honte de prendre nos fournitures dans de pauvres magasins en faillite, dont les coupons d'étoffe pendaient aux portes dans un désordre lamentable. Mais quelle récompense ensuite de voir la joie de tout notre petit monde quand le jour était arrivé de revêtir les fameux habits. Je me souviens de toute une famille de 5 ou 6 enfants que nous avions habillés des pieds à la tête, je vivrai 100 ans que ce tableau ne s'effacerait pas de ma mémoire. Les figures de tous ces petits étaient si épanouies que, Jouir de ce tableau est déjà une récompense plus que suffisante du peu de mal qu'on s'est donné et c'est à peine si je comprends que le bon Dieu promet encore une récompense éternelle. Agir avec cette libéralité, c'est vraiment récompenser non pas d'une peine mais d'une grande jouissance, car il est si doux de donner. Je dis donc que nos petits étaient ravis, ils nous regardaient avec de grands yeux où brillaient successivement l'envie et la reconnaissance. L'envie quand se déployait robe et manteau, la reconnaissance quand chacun était revêtu de sa part. Les petites mains s'écartaient alors loin des habits pour ne pas les froisser, c'était vraiment charmant. Avant de les laisser partir nous leur adressions de pieuses recommandations leur faisant promettre d'être bien sages et d'aimer le bon Jésus de tout leur cœur. Oui, j'aimais beaucoup à faire plaisir aux enfants. Un jour qu'il y avait des marchands forains et que j'achetais toute une provision de gaufres pour mon cher Carmel, j'aperçus, à mes côtés, un petit garçon qui, les deux mains dans ses poches, me regardait et surtout regardait les gaufres avec convoitise. Lorsque j'eus fini mes emplettes, je lui dis, « Tiens, tire à la loterie. » Le regard brillant de bonheur, il fit tourner la roue et gagna des gâteaux, il fit un tour, deux tours, quand ses mains furent pleines, il s'enfuit en jetant un tel cri de joie que toute la place en retentit. La marchande considérait cette scène stupéfaite. Elle paraissait très émue et me l'exprima par un éloge. Je me rappelle son changement de visage qui, de rude, était devenu tout à coup aimable et tendre comme si ce spectacle avait ouvert devant elle un horizon qu'elle n'avait jamais soupçonné. Je vous parlais à l'instant, ma mère, de marchandises achetées au rabais. À ce propos, un trait se trouve naturellement sous ma plume et je ne veux pas le passer sous silence, car il me fut une instruction pour toute ma vie. C'était pendant notre voyage en Italie, nous étions à Naples, comme dans les autres villes de ce pays, harcelés par des foules de petits marchands qui voulaient absolument nous forcer à emporter leurs objets. Si nous les avions écoutés, il nous aurait fallu un second train pour revenir en France, aussi refusions-nous impitoyablement leurs offres. Parmi tous ces pauvres, se trouva un jeune garçon qui me poursuivant avec une jolie corbeille en paille finement travaillée. Il voulait la vendre 4 francs. Comme je ne désirais pas la corbeille que je jugeais destinée à m'embarrasser, je dis pour éloigner le solliciteur. Je la prendrai pour 1 franc 50. Je croyais par là le lasser mais il revint à la charge en baissant son premier prix, je tins bon pour le mien. Il s'éloigna enfin, et je pensais en être quitte, quand je vis arriver un vieillard qui me donna la corbeille pour le prix que j'avais dit. Lorsqu'il fut en possession de son argent je le vis se détourner de loin avec une certaine tristesse comme s'il regrettait son marché. À cet instant j'aurais voulu courir pour lui rendre son joli panier tout en lui laissant mon offrande, hélas il n'était plus temps, il nous fallait rejoindre notre groupe. Mais ce qui se passa dans mon cœur je ne saurais l'exprimer. Encore aujourd'hui après plus de 20 ans je n'y pense jamais sans regret. Et cependant, ce pauvre n'a pas dû être appauvri par son marché, car je l'ai recommandé tant de fois au bon Dieu que bien sûr, aidé du secours de mon époux qui est si riche et si puissant. Le tort que j'ai pu lui faire involontairement a été largement réparé. Mais cet incident m'a été, comme je l'ai dit, un exemple pour toute ma vie et depuis ce moment je pris la résolution de ne jamais payer un objet au-dessous de sa valeur. Ce pauvre homme avait sans doute un grand besoin d'argent pour consentir à donner, en échange de quelques sous. Un si bel ouvrage représentant tant l'heure de travail, et si j'avais accepté cet échange par amour du gain, je pense qu'il y aurait eu faux de ma part. Oh comme on doit être juste à l'égard des pauvres ouvriers qui peinent et se fatiguent pour gagner leur vie et celle de leur famille. On devrait être heureux de trouver une occasion non seulement de les payer, mais de les faire gagner à nos dépens. S'il y a quelque mérite à sentir en soi ce besoin d'une justice aussi parfaite que possible, il ne faut pas me l'attribuer mais plutôt à mes chers parents qui m'en ont donné l'exemple et m'ont élevé dans ses principes. Jamais je ne vis mon père faire tort à qui que ce fût, il préférait être trompé lui-même que de tromper les autres. C'est ainsi qu'il ne consentait pas à faire circuler une mauvaise pièce de monnaie qui lui était passée. Louis doré pièce blanche était alors impitoyablement fixé à sa table de travail comme un perpétuel mémorial de son exquise honnêteté. Dans la famille Guérin, je fus aussi témoin de touchants exemples de charité. Avant que le bon Dieu donne la fortune à mon oncle, je l'entendais souvent dire que je voudrais être riche pour faire du bien, car son grand cœur souffrait de voir que sa bourse n'était pas à la hauteur de ses aspirations. Mais lorsqu'il fut riche, il fut aussi pauvre parce qu'il se trouve en contact avec de plus nombreuses misères. Devant cette multiplication, sa fortune lui parut aussi petite qu'autant de sa médiocrité. Son vestibule était toujours occupé par des bandes de pauvres, il donnait des poignées de sous ou des pièces blanches, jamais il ne comptait, et s'il donnait davantage à ceux qui le méritaient le plus, il ne refusait cependant à personne. Mais afin de pouvoir soutenir cette libéralité, il ne souffrait aucune dépense inutile. Il disait que c'était faire tort aux malheureux, et je l'ai vu servant du vin à table sans priver lui-même. Parce que ce soulagement n'étant pas nécessaire à sa santé, il préférait faire cette économie pour ses chers pauvres. Je ne relate qu'un seul fait, mais je pourrais en citer mille, car c'était de même pour toute chose, et cependant tout était si bien ordonné dans sa maison, qu'en prélevant le bol du pauvre sur le superflu, on y jouissait soi, même de l'aisance la mieux entendue. Je n'avais donc qu'à suivre de si louables exemples et j'aurais été bien responsable de m'écarter d'une route si nettement tracée. Cependant, si je désirais donner aux pauvres les aumônes matérielles, c'était dans le but d'arriver jusqu'à leurs âmes. Le bienfait qui n'atteint que l'extérieur me paraît un corps sans vie, et de même qu'on ne laisserait pas un chien mourir de faim à sa porte sans lui donner un morceau de pain. De même, c'est une telle obligation de soulager ses semblables dans leurs besoins, qu'à peine est-ce le fait d'un bon cœur. Aussi, lorsqu'on s'arrête à cette aumône matérielle, le but est bien terre à terre et le mérite bien petit. Agir de la sorte, c'est jeter des vivres à un prisonnier sans le délivrer de ses chaînes. C'est rompre le câble sauveur que le naufragé tient dans sa main. On le lui a lancé, puis au lieu de l'attirer à soi, on l'abandonne après ce premier secours. Oui, lorsqu'on fait l'aumône à un être raisonnable, on le rend redevable envers nous. Parce que le bienfait attire la reconnaissance, c'est comme un lien qui lie son cœur au nôtre. Nous en devenons le maître et pouvons en faire ce que nous voulons. Ne pas profiter de cette puissance mise entre nos mains, pour élever ce cœur aux choses surnaturelles et le donner à Dieu, c'est rompre volontairement ce lien sauveur, et faire la charité dans ces conditions. Là n'est pas une action plus méritoire que de secourir un être sans raison. C'est une action plus élevée et plus urgente, et c'est tout. Notre Seigneur lui-même a expliqué la condition du mérite. Elle ne dépend pas de la valeur de l'offrande, mais seulement de l'intention, puisqu'un verre d'eau froide donné en son nom ne restera pas sans récompense. Voilà donc le point capital: donné en son nom. Et si on l'observe, comment ne pas parler de lui, le bienfaiteur? À celui qui reçoit le bienfait, il va donc de soi qu'il faut le faire connaître à son obligé. Garder cette intention dans son cœur, ce n'est pas assez. Ainsi, par exemple, si une personne riche m'a remis une somme à distribuer aux pauvres de sa part, il serait mal à moi de laisser croire que je suis l'auteur de cette largesse, et je dois faire connaître le bienfaiteur au nom duquel je fais l'aumône. C'est afin de mettre cette ligne de conduite en pratique que j'aimais beaucoup parler du bon Dieu aux malheureux. Ma cousine Marie et moi réunissions des enfants pour leur faire le catéchisme. C'était de préférence des petits garçons, parce que d'ordinaire ils sont plus délaissés et moins instruits que les petites filles. Aussi, malgré qu'ils fussent choisis parmi les plus déshérités et ceux dont personne ne voulait, ils ne laissèrent pas de nous donner bien des consolations. Je m'occupai aussi de préparer à la première communion un autre enfant dont mon oncle payait la pension au petit séminaire. Je mis tout mon cœur à cet office si doux, et je lui fis suivre la même méthode dont je m'étais moi-même servi. Je lui composai un petit carnet où chaque jour il devait inscrire ses sacrifices, et à chaque sortie je le prenais à part pour lui expliquer la grande action qu'il allait accomplir. Je le faisais à l'aide de comparaisons qui sans doute frappèrent son imagination, car entré au séminaire il disait à ses professeurs, au préparé, « Moi à ma première communion comme le fait Mademoiselle Céline, mais ces bons messieurs ne connaissaient ni Mademoiselle Céline ni ses histoires et ne purent contenter l'enfant. » L'un d'eux cependant, un jeune prêtre ami de la famille, me rapporta la chose en me demandant de lui enseigner ma méthode. J'ai remarqué qu'on ne se doute pas souvent du succès qui couronne nos pieux efforts et parfois on est tenté de se décourager en pensant qu'on prêche dans le désert. Ainsi comme l'enfant dont je parle était peu expansif, qu'il paraissait même ne pas comprendre et ne pas être intéressé par ce que je lui disais, j'aurais pu croire sans cette anecdote qui me fut rapportée par hasard, que je ne faisais aucun bien. J'en fus même si persuadé qu'après sa première communion, lui ayant demandé son carnet pour y mettre la dernière main, j'oubliais de le lui remettre. Dans la suite il quitta le séminaire et je le perdis de vue. Quelle ne fut pas ma surprise quand un jour je vis un grand jeune homme venir me réclamer le fameux objet. J'ignorais qu'il était en ma possession, mais je le retrouvai bientôt et le rendis à son propriétaire. Ce petit détail m'a prouvé combien il tenait à se souvenir de son enfance et j'en conclus que les germes jetés en terre à cette époque lointaine produisaient plus tard leurs fleurs et leurs fruits. Non, il ne faut pas se démonter quand la tâche paraît ardue et stérile. Il faut travailler avec la même ardeur que si le succès était certain et dépendait de nos efforts. Il faut dispenser sans compter la parole de Dieu dont nous sommes les heureux dépositaires. N'ayons aucune crainte, car malgré les passions des hommes et les embûches du démon, la parole du Seigneur sera toujours vraie, comme la pluie et la neige, dit-il, descendent du ciel et n'y retournent pas, qu'elle n'ait abreuvé et fécondé la terre, et ne l'ait couverte de verdure, qu'elle n'ait donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que j'ai voulu, et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Isaïe 45, 10.11. Cette consolante promesse a toujours été présente devant mes yeux lorsque j'ai entrepris quelque bonne œuvre ayant pour but la gloire de Dieu et elle a été pour moi un précieux réconfort. Jamais je n'ai craint de dire ma pensée, j'ai toujours essayé d'instruire et d'éclairer les personnes qui m'ont approché. Parmi mes amis, j'en avais plusieurs qui aimaient beaucoup le monde et se croyaient obligés de sacrifier à cette idole aux attraits si séduisants. Je les laissais me raconter toute leur vanité et je ne disais rien, mais c'était justement en ne disant rien que je causais beaucoup, car ne se voyant pas approuvée, elle reprenait. Vous êtes une sainte vouée et je suis sûre que vous riez de nous intérieurement. Elle venait de m'ouvrir la porte, j'entrais bien vite et sans attaquer directement leur conduite je dévoilais ma pensée sur les sottes vanités du monde si indigne d'occuper une âme immortelle. Je concluais en leur disant, ne m'en voulez pas de vous avoir fait connaître ma manière de voir, c'est vous qui me l'avez demandé. Quand vous ne voudrez pas la savoir, ne m'engagez pas sur ce terrain. La chose étrange, en ma présence elles étaient comme forcées d'y revenir et de me confesser en quelque sorte toutes leurs peccadilles. Un jour, ne voulant pas être méchante avec l'une d'elles qui essayait de me persuader qu'il y avait des exigences de position, je lui demandai, dites-moi donc si, dans la société où vous vous trouvez, il y en a de vêtus plus modestement que vous. Elle rougit et m'avoua que oui. Alors je repris, eh bien, allez au bal si vos parents vous y obligent, mais soyez toujours la plus modeste dans vos toilettes, ne laissez pas cette grandeur d'âme aux autres, prenez-la pour vous. Et ce n'est pas tout, pour rétablir l'équilibre de la balance et mettre quelque chose en face de ce grain d'encens nous faire au plaisir, portez donc un instrument de pénitence pendant que vous dansez. Monseigneur d'Outremont, dans sa jeunesse fut obligé comme vous de se prêter à ce divertissement. Mais comme il ne voulait pas s'y livrer, il avait soin d'introduire des clous dans ses élégantes chaussures afin que la douleur le rappelât sans cesse à lui-même et à Dieu. Mon ami entendant cela et voyant un bracelet de fer en face du bracelet d'or, une ceinture hérissée de pointes en regard du collier de perles ne mordait pas bien fort à l'hameçon. Elle était stupéfaite en constatant qu'il y avait des âmes assez généreuses pour s'imposer ces sacrifices, car je lui en citais, et ces exemples en causant son admiration produisaient certainement leurs fruits. S'ils ne l'empêchèrent pas de continuer sa vie infrivole, il fut néanmoins comme le mort et les rennes qui retinrent le coursier dans ses ardeurs. Oui, il est toujours bon d'éclairer et d'instruire nos frères, j'en ai fait l'expérience. Ne pas le faire, c'est participer à leurs erreurs. Il est un vieux proverbe qui dit, les receleurs sont pires que les voleurs. Oui, écoutez le langage des passions, que ce soit celui de la jalousie, de la colère ou celui de la vanité, sans oser donner un avis salutaire, c'est prendre sur ses épaules le même fardeau que le prochain sans toutefois le lui alléger. Une telle condescendance, laquelle n'aboutit à rien, n'est pas une charité, mais une lâcheté. C'est une action plus basse que de regarder d'un œil froid à un incendie sans y jeter un seau d'eau, et pourtant Dieu sait ce que serait pareille action à ses yeux et aux yeux de nos semblables. Je n'ignore point que, généralement, on n'en juge pas ainsi parmi les humains, je veux dire pour ceux qui regardent les choses de Dieu et le salut éternel de nos frères. À la plus petite tentative on est tout de suite taxé d'indiscret, on prétend que le zèle est souvent plus nuisible qu'une molle patience. Je dis molle patience parce que le zèle étant pris ici en mauvaise part, il est juste d'y prendre également cette patience qui mériterait plutôt l'épithète d'insouciance. Ah, si on voyait un être chéri sur le point d'être écrasé par une lourde machine, quel cri ne jetterait-on pas pour prévenir le danger? Avec quelle promptitude ne s'élancerait-on sur cet objet de notre tendresse? Oh, on ne calculerait pas où on le saisit, on ne regarderait pas même si on le blesse en voulant le sauver. Qu'importerait une brusquerie devant un si grand mal? Et pour sauver une âme, on prend des gants, on chuchote, on attend. Finalement on n'essaie rien ou presque rien, et les âmes de ceux que nous aimons sont perdues pour l'éternité et un gouffre immense les sépare de nous pour toujours, de sorte que là où ils sont nous ne pourrons aller et que ne pourrons venir là où nous serons. J'ai toujours éprouvé une douleur profonde en présence d'un si grand malheur, ce n'est pas moi qui me donne ce sentiment, c'est Jésus qui le met dans mon cœur. Car étant tout enfant, je me souviens qu'il était déjà en moi pour me faire souffrir, car le zèle de l'amour est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, Cantique, 8, 6, s'il est inflexible, qui donc pourra le réduire? Si ses ardeurs sont pénétrantes comme le feu, qui donc pourra les étouffer? Personne, car ce n'est point un feu humain mais une flamme de Jéhovah, Cantique 8, 6. Et les grandes eaux ne peuvent éteindre cette flamme et les fleuves ne la submergeront pas. Toute jeune j'étais donc dévorée par cette flamme allumée par le bon Dieu dans mon cœur. En voici un exemple. Une de mes petites compagnes devant faire sa première communion me racontait que son grand-père seul ne s'unirait pas à la fête pieuse parce qu'il était éloigné du bon Dieu. Il avait bien été ébranlé par une mission. Mais il avait laissé passer ce souffle du Saint-Esprit sans correspondre à la grâce. J'osais alors demander à cet enfant si elle disait un mot à son grand-père, et sur sa réponse négative je me rappelle que je bouillonnais intérieurement. Je ne faisais que penser à cela et je combinais dans ma petite tête ce que j'aurais fait à la place de ma compagne, les moyens que j'aurais employés pour prendre le cher pécheur par le cœur en un si beau jour. Ce plan mit en jeu toutes mes ardeurs et je crois que le bon Dieu m'en sut gré comme si réellement je l'avais accompli. Je sais bien, ma mère, que c'est par la prière et le sacrifice qu'on arrive à convertir le cœur de ces créatures, c'est lui qui les éclaire et les transperce d'un trait de contrition et d'amour, et nous, sans son aide, ne pouvons faire que des gaucheries. Mais si nous employons nos ardeurs à nous sacrifier dans le secret, à prier pour les êtres bien-aimés qui ne jouissent pas comme nous de la lumière, il donnera fécondité à nos œuvres. Et de même qu'autrefois il rehaussa la beauté de Judith afin qu'elle exécutât plus facilement le plan qu'elle avait conçu pour sauver son peuple, Ainsi il donnera de l'éclat à nos pauvres petites actions et fera nos paroles persuasives. Qui donc, après une telle protection, oserait nommer nos efforts et l'indiscret quand notre Seigneur nous dit dans l'Évangile de ne point nous lasser de heurter à la porte, car si notre ami ne se lève pas de bon gré, il nous ouvrira cependant pour se soustraire à notre importunité parce que quiconque cherche trouvera, on ouvrira à celui qui frappe et l'on donnera à celui qui demande, tant il est vrai, selon l'expression de la vaillante Jeanne d'Arc, qu'il faut batailler pour que Dieu donne victoire. C'est dans le même sens, je crois, que saint Paul déclare que nous nous rendons recommandables par les armes offensives et défensives de la justice, 2 Corinthiens 6, 7. En effet, le grand apôtre ne se contente pas de ne donner aucune louange à ceux qui conservent le zèle au fond de leur cœur, il nous prescrit encore non seulement de défendre la justice, mais d'attaquer, de provoquer cette défense par les armes offensives. Nous sommes donc davantage recommandables quand nous allons de l'avant que lorsque nous temporisons parce que, dans cette accalmie, entre plus souvent la pusillanimité, qui naît de l'appréhension d'essuyer un refus, que la réelle crainte d'une imprudence devant retarder le règne de Dieu dans cette âme que nous essayons de gagner à la vérité. Mais me voilà loin de mon sujet. Je parlais de la principale charité à faire aux pauvres, laquelle consiste dans le ministère de la parole et l'effusion du cœur. L'aumône corporelle est la clé qui ouvre la porte, il faut absolument entrer par cette porte, mais ne pas se contenter de jeter furtivement là un morceau de pain. Permettez-moi, ma mère, de vous développer ma pensée sur certains préjugés assez délicats, il est vrai, et cependant très déplorables à mon avis. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Les Yeux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.